kultur. L'oreille électrique, une nuit d'été. Couché en Afrique, café à midi. Un soleil tout noir brise sous les dunes. Regarde Lala dans son jeu. Regarde Lala dans les cieux. Regarde Lala dans les yeux. Regarde Lala dans son jeu. Mouette qui crie près de la lagune. Les yeux élastiques au bord de la lune. Ma bouche ouverte, donne-moi envie. Au clair de la chaise, la nuit glisse en nous. Mouillée de violence, lourdeur de ta peau. Monte dans mes sens, rythme notre danse. J'écrase mes accords sur tant d'insouciance. Regarde Lala dans son jeu. Regarde Lala dans les cieux. Regarde Lala dans les yeux. Regarde Lala dans son jeu. Et le corps de fou gaspille ma vie.